Bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du. Donc en ce jour le 25 du mois de Ramadan de l'année 1438 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous venons d'assister à un cours dispensé par notre cheikh As'ad ibn Fathi Az-Za'atari hafidahullahu ta'ala de Palestine, de la ville de El Khalil en Palestine. حفظه الله تعالى وبارك في علمه وفي جهوده. Comme à notre habitude, on va faire une brève introduction et une brève présentation de notre cheikh, cheikh As'ad. Comme on a l'habitude de le rappeler, pourquoi nous faisons ces cours, ces appels téléphoniques, rapidement pour vous mettre en relation avec les savants, salafis, qui sont sur un manhaj clair, une méthodologie claire, d'après le livre d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après la guidée et la voie de nos pieux prédécesseurs, Ridwanallahi alayhim, des savants du monde entier, des grands étudiants en sciences du monde entier, afin que vous voyez que cette da'wa s'est propagée dans le monde musulman entier et que dans chaque pays du monde musulman, walillah alhamd, il y a des savants et des grands étudiants en sciences qui propagent ce manhaj, le manhaj salafi, et qui réfutent les gens de l'innovation, qui leur font des réfutations, qui les combattent par la science, afin que la religion d'Allah Azzawajal ne soit pas changée. Vous voyez que depuis le début de cette année, nous avons fait un appel à un cheikh du Soudan, cheikh Nizar, ensuite à un cheikh d'Irak, cheikh Mouaffaq al-Djabouri, ensuite à deux parmi nos cheikhs de la ville de Jeddah, qui est une ville dans le Mamlak al-Arabiya al-Saoudiya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahullah. Aussi, nous avons fait un appel aujourd'hui à ce cheikh qui est cheikh As'ad dans ce pays qui est la Palestine. Nous allons faire le prochain cours donc, qui sera demain, incha'Allah ta'ala, avec notre cheikh Khalid Abou Abdel A'la d'Égypte, du Caire. Et le cours qui viendra après sera vendredi avec notre cheikh Adil Sayyid du Caire aussi. Donc cela, nous faisons un tour du monde comme à notre habitude afin que, comme nous l'avons déjà expliqué, certains d'entre nous, c'est-à-dire l'ensemble d'entre nous, avons des origines différentes. Donc à partir de là, vous faites connaissance avec les savants de votre pays d'origine, ce pays où vous serez amené peut-être à, donc vous êtes amené à voyager vers celui-ci, où vous avez des contacts de vos familles dans celui-ci, vous allez peut-être faire votre émigration, votre hijra dans ce pays-là, vous allez peut-être partir étudier dans ce pays, ou simplement passer dans ce pays pour travailler. Donc à partir de là, il vous convient de savoir qui sont les savants et les étudiants en sciences afin que vous puissiez répondre à cet appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et obéir à son ordre, azza wa jalla, dans son livre, dans deux versets, où il dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous convient, qui nous est obligatoire de suivre, donc toi et Allah Azza wa Jalla t'ordonne de revenir aux gens du rappel, et c'est un ordre de sa part, tabaraka wa ta'ala, et cet ordre contient une interdiction de revenir aux gens dans les questions qui ont attrait à ta religion, à des gens autres qui sont les gens du rappel, c'est-à-dire des ignorants ou des gens qui n'ont pas atteint ce degré, le fait de faire partie des gens du rappel. Donc afin que tu puisses répondre et appliquer cet ordre, ou plutôt obéir à cet ordre de la meilleure des manières, il te convient en premier lieu de savoir qui sont les savants, qui sont les gens de rappel, qui sont ces grands étudiants en sciences, vers qui nous revenons pour poser des questions et pour prendre notre religion. Comme je l'ai dit, des gens du monde entier, des mashayikhs du monde entier, du monde musulman, que nous appelons depuis des années, afin que lorsque tu seras amené à voyager vers ces pays, quand tu es par exemple en relation, certains pays qui sont difficiles d'accès, vers lesquels on ne voyage pas, peut-être parce qu'il nous est interdit de voyager là-bas, ou peut-être qu'il nous est interdit par les autorités, ou peut-être même la législation islamique nous interdit, comme certains pays où même nos savants ont décrété que l'émigration est obligatoire de ces pays, comme certains pays qui, pour ne pas forcément citer de nom aujourd'hui car ce n'est pas le but de cet appel, mais ces pays où certains de nos savants ont légiféré l'émigration. Et donc parmi ces pays qui sont très difficiles d'accès pour une raison ou pour une autre, ou ces pays qui sont ravagés aussi par la guerre, ce pays qui est le pays de la Palestine. Donc à partir de là, peut-être, ou Certainement, il y a des frères autour de nous qui sont de Palestine, qui ont des familles en Palestine, que ce soit des frères de Palestine ou d'autres pays qui sont autour de la Palestine, comme les Égyptiens qui vivent là-bas, ou des Jordaniens, ou des Syriens qui vivent là-bas. Donc ils sont en relation avec des gens qui sont en Palestine, des gens de leur famille, ils les appellent, ils prennent de leurs nouvelles, des frères qui sont autour de nous, des frères salafis qui sont autour de nous. Et bien à partir de cela, le fait de faire ces appels avec ces mashayikhs de ce pays, qui est le pays de la Palestine, c'est afin que vous puissiez, vous qui avez un certain contact avec des gens qui se trouvent dans ce pays, des gens de votre famille, des amis, etc., vous puissiez les appeler à revenir vers ces gens de science qui sont des gens de science qui sont des gens sûrs et qui ont un manhaj, une méthodologie qui est viable et qui sont connus auprès des gens de science. Donc vous voyez ici le bienfait de faire ces appels et de connaître nos mashayikhs dans le monde musulman. Il y a entre autres ces bienfaits que j'ai cités, il y a d'autres bienfaits comme le fait qu'un jour tu tomberas sur une fatwa, un avis religieux de un tel parmi les mashayikhs que toi tu ne connais pas. Donc à partir de là, peut-être que tu ne vas pas faire attention à cet avis religieux alors que cette personne-là fait partie des gens de science de qui on prend la science, de qui on prend les avis religieux. Et au moment où tu auras assisté à ces appels que nous faisons, tu auras appris à connaître ces mashayikhs que nous appelons et tu sauras qu'il fait partie des gens qui ont un manhaj qui est sain et viable et donc tu pourras prendre de lui la science. Pour toutes ces raisons, nous faisons ces appels depuis des années. Aujourd'hui avec notre Cheikh Assad, c'est le deuxième appel que nous faisons depuis toutes ces années avec lui. Nous l'avions eu il y a à peu près un peu plus de 2 ans au téléphone pour un cours qui se trouve sur le site, sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uka. Et si vous voulez revenir vers lui, vous pouvez, il se trouve sur le site. L'année dernière, nous avions eu son frère jumeau qui s'appelle Saad. Donc ici, notre cheikh, c'est cheikh Assad ibn Fathi Az-Za'tari. Et hier, l'année dernière, pardon, c'était avec son frère jumeau Saad ibn Fathi Az-Za'tari. La première année, il y a donc la première année que nous avons fait un appel vers la Palestine. Donc ces deux-là, Cheikh Saad et Assad, ce sont les seuls, à ma connaissance, qui défendent, ou ceux qui sont les plus avancés, en tout cas parmi les mashayikhs qui sont là-bas, qui défendent ce manhaj et qui se battent contre les gens de l'innovation, comme ce qu'on appelle le Hamas, et aussi tous les Khawarij qui sont là-bas, aussi les autorités juives aussi qui sont là-bas, qui font du tort à nos frères musulmans. Et eux, ils se battent contre eux avec l'arme la plus importante que nous ayons entre nos mains à ces périodes de troubles, qui est l'arme, qui est le stylo. C'est-à-dire qu'ils se battent contre eux avec la science qu'ils ont dans des écrits profitable et dans des cours profitables qu'ils dispensent dans ce pays qui est le pays de la Palestine. Hafidahumullah. Et ce sont eux, bien sûr, comme je l'ai dit, qui sont, à ma connaissance, en tous les cas, les plus avancés. Et ce sont eux qui sont connus auprès de nos mashayikhs salafis, de nos savants salafis qui les recommandent, Cheikh Saad et Assad. Il y a donc 2 ans, un peu plus de 2 ans, premier appel que nous avons fait avec Cheikh Assad. Ce dernier, lorsque je l'ai appelé, en fait, j'avais commencé par appeler son frère Saad. Et Saad m'a dit, Cheikh Saad, hafidahullah, m'a dit, appelle mon frère Assad, car il a plus de science que moi. Et ça fait partie, on a l'habitude de le rappeler tous les ans, car tous les ans il y a ce genre de paroles, ça fait partie des comportements qui font partie de notre manhaj, qui font partie à part entière de notre manhaj. Le fait que quand il y a quelqu'un de plus savant que toi, à côté de toi, ou proche de toi, tu envoies les gens vers lui. Tu ne te mets pas en avant. Et on voit ce comportement chez As-Sahaba radhiyallahu anhum, comme il est rapporté comme dans plusieurs recueils, comme dans par exemple Kitab al-Ilm de Ibn Abi Khaythama, où il est rapporté de Abdurrahman ibn Abi Layla, qui fait partie de At-Tabi'in, qui disait qu'il l'a atteint, ou il a vécu avec plus de 120 As-Sahaba, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est un grand nombre de sahaba, et qu'il n'a pas rencontré un d'entre eux sans qu'il lui soit posé une question et qu'il veuille que ce soit son frère qui est à côté de lui qui y réponde. Et pour cela, nous mettons en avant cela donc à ceux qui nous écoutent, le fait que ce sont des choses qui ne sont pas faites en direct, mais ce sont des choses qui sont faites en coulisses, entre guillemets. Lorsque j'appelle certains de nos mashayikhs avec qui je suis en contact, et ça c'est la dernière mas'ala sur laquelle je vais parler avant de commencer la traduction du cours, eh bien, il y a des choses qui se passent, des échanges, et ces échanges-là, nous, vous les mettons en avant afin que vous compreniez ce manhaj de la meilleure des manières, des choses aussi qui sont rappelées pendant les cours et que nous aimons à vous les mettre en avant. Peut-être que celui qui écoute cela n'y prêtera pas autant d'attention que d'autres. Donc à partir de là, nous, c'est notre travail de vous les mettre en avant. Parmi ces choses-là, donc, que plusieurs parmi nos mashayikhs, lorsque je les appelle pour leur demander le cours, des mashayikhs que je connais personnellement, avec qui j'ai une relation, certains avec qui j'ai pu voyager, certains parmi eux dont j'ai une relation simplement à travers le téléphone. Et donc, ceux-là me disent, reviens vers un tel, mon voisin, mon frère de sang, mon frère en islam, reviens vers lui, car il est plus savant que moi. Dans tel pays, tu veux ce manhaj l'Abu Samad, ce que tu veux faire, c'est mettre les gens en relation avec les savants, et bien, et pour qu'ils apprennent le manhaj salafi, le manhaj salafi al-wadih, et bien cela fait partie du manhaj salafi, je te renvoie vers un tel. C'est ce que Cheikh Saad avait fait il y a 2 ans, il m'avait dit, reviens vers mon frère Asad, car il est plus savant que moi, et c'est ce que j'avais fait, donc j'avais pris son conseil, c'est Cheikh Asad qui nous avait donné le cours. L'année dernière, Cheikh Asad n'était pas joignable, et donc nous avons appelé Cheikh Saad qui nous a dispensé un cours très très bénéfique que nous avions appelé en français, auquel nous avons donné le titre de La clarté dans le manhaj, qui se trouve sur le site de l'année, donc un cours qui a été dispensé en 1437 dans la mosquée de Draveil dans le 91. Vous avez le cours de Cheikh Saad qui a été dispensé dans la mosquée de Noisil dans le 77, vous le trouvez aussi sur le site. Et aujourd'hui notre Cheikh Saad, et je n'ai pas réussi non plus à joindre notre Cheikh Saad, donc son frère jumeau, et aujourd'hui c'est Cheikh Saad qui nous a donné le cours. Jazahullahu tabaraka wa ta'ala khayran. Et la dernière mas'ala, comme je voulais vous dire, donc avant de commencer, c'est le fait que ces appels là vous avez des appels avec des savants, des grands étudiants en sciences, directement par la radio, où que vous soyez. Donc il y a, comme on a l'habitude de le rappeler, certains frères qui nous écoutent dans la France entière, certains qui diffusent ces cours dans leur mosquée dans la France entière. Il y a aussi des frères en Europe qui écoutent ces cours. Il y a des frères aussi en Égypte qui profitent de ces cours, d'autres au Maroc, d'autres aussi au Mali, et autres que cela. Et tous ces frères-là qui profitent de ces cours, eh bien, il faut que vous estimiez ce bienfait à sa juste valeur. Le fait d'être en relation avec ces savants, avec des savants et des grands étudiants en sciences qui vous enseignent votre religion, avec qui vous êtes en contact direct, avec qui vous pouvez poser des questions, car il est facile d'envoyer des questions même sur le site. Le Dhikr, donc tous les ans, nous posons des questions à nos savants, nous avons même des assises de questions-réponses. Donc ça, c'est un grand bienfait. Et il vous convient d'être assidu à ce bienfait, afin que Allah Azzawajal ne fasse pas partir ce bienfait, plutôt qu'il l'augmente. Comme il dit, tabaraka wa ta'ala, wala in shakartum la azidannakum. Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, si vous remerciez, je vous rajouterai dans le sens approximatif de ces paroles. Donc, il vous convient d'être reconnaissant. Le fait d'être reconnaissant, c'est dans le fait de suivre ses cours, d'être assidu à ses cours. Le fait de prendre note dans ses cours, n'est pas là comme comme quelqu'un qui écoute simplement, mais prendre note, essayer de réviser aussi, essayer d'apprendre certaines paroles dans ces cours, car comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, vous apprenez votre religion ici dans ces cours, et peut-être que vous apprenez la chose la plus importante, certainement vous apprenez la chose la plus importante de votre religion, qui est al-manhaj, cette méthodologie qu'avait Salaf Salih dans leur compréhension de cette religion, la religion de l'islam, la religion véritable, la religion véritable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce manhaj qui englobe leur croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, qui englobe aussi leur manière qu'ils avaient d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, leur comportement et toutes les facettes de leur religion. Donc vous apprenez une chose qui est obligatoire pour vous de connaître ici. Celui qui la connaît, walhamdulillah, celui qui ne la connaît pas, lui est obligatoire de l'apprendre. Et c'est bien ce que vous faites ici avec ses cours qui sont directement avec des savants et des grands étudiants en sciences. Une dernière chose, le fait que ces cours, nous en faisons beaucoup à des périodes qui sont à une cadence qui est assez à des intervalles qui sont assez courts, c'est-à-dire tous les jours ou tous les deux jours, nous avons des cours. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas el-kathara, ce n'est pas d'en avoir beaucoup, parce que ça ne veut rien dire. El-kathara, ce n'est pas quelque chose dans notre religion qui montre quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous le savez, il y aura au jour du jugement certains prophètes qui viendront avec eux, une ou deux personnes. Certains prophètes qui viendront avec eux, il n'y aura personne de leur communauté qui les auront suivis. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas sur la vérité. C'était des prophètes et des envoyés d'Allah tabaraka wa ta'ala qui étaient sur la vérité. Mais les gens qui l'ont suivi, eh bien, cela ne montre pas, le nombre de gens qui l'ont suivi, ça ne montre pas qu'ils étaient ou non sur la vérité. Nous, ce que nous cherchons, ce n'est pas el-kathra, qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent, aussi qu'il y ait beaucoup de cours qui soient faits. Mais nous essayons, parce que ces cours-là, ce sont des cours qui sont faits une fois par an, pendant le mois de Ramadan, un petit peu avant, un petit peu après. Donc nous essayons de faire beaucoup de cours afin que d'être en relation avec beaucoup de nos mashayikh, afin de profiter un maximum avec eux. Et ce qui est voulu ici, ce n'est pas voulu en lui-même, c'est-à-dire ce n'est pas le nombre d'appels en lui-même, c'est-à-dire pas de sortir de cela et de dire Alhamdoulilah, nous avons fait 15 appels, 20 appels pendant ce mois. Ce n'est pas cela. Si tu as fait 15 ou 20 appels et que tu n'as rien retenu, ça ne valait rien du tout. Il fallait mieux que tu fasses un seul appel, que tu prennes un seul cours, que tu assistes à un seul cours et que tu as pris des notes et que tu l'as appris bien comme il faut et que tu es ressorti avec des leçons que tu auras tirées de ce cours. C'est quelque chose de très important. Et voilà, sur cela, en fait, pourquoi je parle de cela? Aussi par le fait que ça a pour but aussi ces appels de vous, comme on a l'habitude de dire, de vous donner, de vous montrer l'importance de cela et de vous montrer la facilité de cela. Ainsi que certaines personnes suivre ce modèle dans leur mosquée, dans l'endroit où ils sont, dans leur centre, dans leur dar al-hadith, dans tous ces endroits, le fait de prendre des cours avec les savants d'une manière facile comme cela, le fait de faire des cours, des fois, nous avons eu des livres qui ont été expliqués, comme notre cheikh Khaled qui avait expliqué al-Ha'iyya, de Ibn Abi Dawud al-Sijistani rahmatullahi alayhi, ce poème dans La Croyance qui a été expliqué, que vous trouvez sur le site il y a des années. Quelque chose, nous, on vous pousse à faire cela, mais c'est une chose aussi qui n'est pas à la portée de tout le monde de faire cela de cette manière. C'est quelque chose qui nous demande, aux frères de Ahl al-Dhikr, beaucoup de patience et beaucoup d'efforts. Le fait d'être en relation avec ses savants, ce n'est pas tout le monde qui peut être en relation aussi étroite avec les savants. Donc à partir de là, c'est une facilité, notre relation avec les savants. Les savants vous répondent au téléphone, vous dispensent des cours. Mais cette chose-là, c'est quelque chose que nous sommes des étudiants en sciences, qui sommes en relation avec les savants, qui sommes proches de certains d'entre eux. Donc à partir de là, nous, c'est pour cela qu'il y a autant de cours qui seront dispensés, walhamdulillah. Et essayez avant même de penser à faire cela dans votre mosquée ou dans votre centre, à bien prendre ces cours que nous avons, walillah alhamd, au jour d'aujourd'hui, par téléphone. Essayez d'être assidu à ces cours avant de penser à autre chose. Une fois que ces cours seront arrêtés, à partir de là, on vous enjoint vraiment à suivre ce modèle. Ça, c'est une réalité. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il faut profiter de ce que vous avez. Et vraiment le profiter, comme je vous ai dit, de la meilleure des manières, c'est-à-dire de ressortir avec des enseignements. Et de bien prendre les cours que vous avez avec le mashayikh avant de penser à vouloir faire ceci, cela, à faire plein de choses, à faire un cours sur un livre ou de demander qu'il y ait des cours sur des livres, etc. C'est une bonne chose, alhamdoulilah, mais là, on sait ce qu'on fait, ça fait des années que nous faisons cela. Il y a un but derrière cela, nous vous le mettons en avant. Et parmi ces buts aussi, de vous montrer la facilité qu'il y a, on vous enjoint à faire cela, mais vraiment, soyez assidus à ces cours et à prendre ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui devant vous avant de penser à autre chose. Barakallahu fikoum. J'espère que ce message a été bien compris. On a l'habitude, dans tous les cas, de faire ces petites introductions, même si parfois elles sont un petit peu longues, mais c'est quelque chose que nous jugeons nécessaire. On a l'habitude de le faire depuis des années et alhamdoulilah, on a de bons retours depuis toutes ces années sur ces petites introductions qui sont empreintes de ces cours que nous faisons avec nos savants depuis des années. Donc aujourd'hui, nous avons eu au téléphone notre cheikh, cheikh Asad ibn Fathi Az-Za'atari, qui est le frère jumeau de ce cheikh, qui est cheikh Saad ibn Fathi Az-Za'atari. Ces deux frères jumeaux sont, bien souvent les frères se trompent, ou les frères ou étudiants en sciences, ou en général, ils se trompent, ils disent qu'ils ne s'appellent pas Asad, ils s'appellent Saad, ou parfois ils s'appellent Saad, ils ne s'appellent pas Asad. En fait, il faut bien comprendre, donc, comme je l'ai dit, ces deux frères jumeaux sont deux personnes différentes, Asad et Saad. Et ces deux parmi nos mashayikhs qui défendent cette da'wa salafia en Palestine, sont de la ville de Al-Khalil. La ville de Al-Khalil en Palestine. Et Cheikh Assad a plus étudié que son frère, malgré que ces deux-là étaient dans l'université, ont étudié dans l'université islamique de Médine. Et Cheikh Assad a plus étudié que son frère. Il a obtenu un diplôme, il a obtenu un doctorat de l'université islamique de Médine. Donc, après avoir obtenu sa licence, le master, le magistère, ce qu'on appelle le magistère, et ensuite le doctorat. Et lui, il a obtenu donc un doctorat dans cette université. Il était professeur dans cette université. Et je ne sais pas s'il est toujours professeur à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à certaines périodes. Mais il y a encore quelques années, il y a encore 2 ans de cela, il était encore professeur à l'université. Je ne sais pas si aujourd'hui, il est toujours professeur, peut-être dans certaines périodes de l'université. C'est quelque chose qui reste à vérifier. Et Cheikh Assad, hafidahullah comme son frère, a étudié auprès des grands savants de la ville de Médine, parmi eux Cheikh Al-Allama, l'imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali, aussi Cheikh Ubaid al-Diabiri, aussi Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, aussi Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, et autres que eux parmi l'ulama dans cette ville, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours sur cette brève présentation sur le shir, toujours sur cette parole qui est venue de plusieurs parmi les salaf, radhiyallahu anhum, parmi eux Muhammad ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, certes cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. C'est pour cela que nous vous présentons le mashayikh que nous appelons à chaque fois. Eh bien, ce qui est plus important que nous, au-delà de d'évoquer le cursus de cette personne, qui est une personne qui a pu étudier chez les grands savants, une personne qui a pu être un élève proche de certains parmi les grands savants, et bien au-delà de cela, ce sont les recommandations des gens de science, car comme nous l'avons évoqué, il y a des gens qui ont étudié chez les grands savants pendant des années, qui ont pris la science de eux, qui ont atteint un certain rang dans la science, qui sont des personnes qui sont au jour d'aujourd'hui égarées, comme Ali al-Halabi et toute sa secte, aussi al-Maghrawi, le Marocain, al-Maghrawi, aussi Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui a étudié chez Cheikh Mokhbil, donc Ali al-Halabi, qui prétend avoir étudié chez Cheikh al-Albani, qui était proche de lui, mais qui prétend, donc on dit qu'il prétend avoir étudié, prétend avoir été l'un de ses élèves, aussi al-Maghrawi, qui a étudié parmi les grands savants de la ville de Médine. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont égarés au jour d'aujourd'hui, aussi Abu Ishaq al-Huwayni, là-bas en Égypte, qui prétend avoir la science de Cheikh al-Albani. Ces personnes-là, ce sont des gens qui sont égarés. Au jour d'aujourd'hui, des grands égareurs égarés. Aussi, en Arabie Saoudite, vous avez Salman al-Aouda, aussi Aïd al-Qarni, aussi beaucoup parmi ces égareurs égarés, qui sont des gens qui ont peut-être assisté au cours de nos grands savants, mais qui au jour d'aujourd'hui sont des égarés égarés. Donc cela, ce cursus-là, ne tient pas guise de recommandation. Écoutez bien, cela c'est quelque chose de très important. Lorsque tu demandes à quelqu'un qui est cette personne, qui le recommande, s'il te dit il a étudié chez un tel, eh bien cela n'est pas une recommandation en soi-même. La recommandation, c'est bien le fait qu'une personne parmi les gens de science, elle recommande cette personne, elle dit cette personne est quelqu'un qui a un manhaj qui est viable, qui est sain, prenez la science de lui, c'est quelqu'un qui a de la science. Et encore une autre chose qu'on a l'habitude de rappeler, le fait que ce n'est pas toute personne qui a appris la science qui est capable de l'enseigner. Et ce n'est pas toute personne qui a acquis la science et qui est capable de l'enseigner qui aura un manhaj qui sera sain et viable. Et ce n'est pas toute personne qui a un manhaj qui est viable et sain, qui est un salafi clair, qui aura aussi la capacité d'enseigner la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc toutes ces choses-là, c'est quelque chose auquel il faut bien faire attention. Une personne qui est devant toi, qui se met en avant pour enseigner aux gens, ça peut être un salafi qui est clair dans son manhaj, mais peut-être qu'il n'a pas acquis la science qui lui permette d'enseigner. Donc à partir de là, ce sera une erreur de sa part. Une autre personne qui aura acquis la science, qui aura assisté chez les savants, qui aura acquis la science et qui n'aura peut-être pas atteint un niveau qui le permettra d'enseigner. Une autre personne qui aura acquis la science et qui aura atteint un niveau qui le permette d'enseigner, mais qui au jour d'aujourd'hui aura un manhaj qui n'est pas clair, et bien cette personne-là, nous ne prenons pas la science de lui. Ce sont des nuances qu'ils sont impératifs de bien maîtriser pour chaque salafi qui respecte sa religion. Barakallahu fikoum. Et notre cher As'ad est une personne qui est recommandée de nos grands savants comme Cheikh Rabi', Cheikh Mohamed Ben Hadi, aussi Cheikh Obeid al-Jabiri, Hafidahumullah, qui, ce dernier, dans une parole qui était orientée vers les... dans un cours téléphonique qui était dispensé aux gens de Palestine, dans l'année 1433, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans de cela, eh bien, Cheikh Obeid, Hafidahumullah ta'ala, avait dit cette parole... un cours que vous trouvez facilement encore sur internet, il avait dit cette parole que le lien qu'il y a entre, ou l'intermédiaire qu'il y a entre moi et vous, c'est Cheikh As'ad Za'atari, qui est une grande recommandation. Qui est ceci une grande recommandation. Dire cela, c'est une grande recommandation de ce grand savant, notre père Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala. Il dit donc l'intermédiaire qu'il y a entre nous, eh bien, entre nous, c'est-à-dire entre lui et les gens de Palestine, c'est Cheikh As'ad Za'atari, hafidahullah, wa baraka fi ilmihi. Le cours dispensé aujourd'hui de notre Cheikh As'ad était et avait pour titre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé étrange et redeviendra étrange comme elle a commencé. Et le Cheikh, au début de cette rencontre, a fait des invocations pour ceux qui assistent le cours, pour ceux qui écoutent le cours par la radio. Qui écoutent le cours par la radio. Et ensuite, Hafidahullah Ta'ala a dit qu'il était très content de se réunir au jour d'aujourd'hui avec nous, avec des salafis purs sur le manhaj de nos pieux prédécesseurs, et il dit que nous sommes un petit nombre en vérité. Et le Cheikh nous dit qu'il est très content de nous réunir avec nous pour cette rencontre par téléphone, ce cours dispensé par téléphone. Et il nous dit, dans cette période qui est une période sombre, qui est une période sombre, le Cheikh de nous rappeler ce hadith qui est le thème de ce cours. La parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui se trouve dans le recueil authentique de l'imam muslim, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. L'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Et le Cheikh de nous dire qu'il est venu aussi ce hadith, qu'il a été rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et autres que lui, avec plusieurs variantes. Le Cheikh nous dit que le Ghuraba, c'est-à-dire les étrangers, ce sont les gens de la droiture, dans leur religion. Ceux qui font revivre la sunna. Ceux qui éduquent les gens et qui leur enseignent. Al-Ghuraba, ces étrangers, ce sont ceux qui sont sur la bonne voie lorsque les gens se pervertissent. Ce sont ceux qui arrangent les gens lorsque cela, ou pardon, ce sont ceux qui arrangent ce que les gens ont perverti. Le Cheikh nous dit que Al-Ghuraba, les étrangers, ce sont ceux qui suivent la droiture de cette religion, ceux qui unifient Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont sincères dans leurs adorations vouées à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ce sont ceux qui se sont qui ont suivi la droiture de cette religion, qui ont appliqué la, ou qui ont accompli la prière, et qui ont donné l'aumône, et qui ont fait l'ensemble de ce que leur incombe leur religion. Le Cheikh nous dit que ce sont ceux qui, ces Ghuraba, ce sont ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de cette parole, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez de ce que vos âmes désirent et ce que vous réclamez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Le verset 30, 31 et 32 de la sourate Fussilat, les versets détaillés. La sourate numéro 41. Le shir de nous dire que ce sont ceux-là, el-ghuraba, les étrangers. Allah Azza wa Jal dans ce verset les a décrits. Le shir de nous dire que les gens qui sont sur ce chemin, qui sont étranges, ces étrangers, ils sont d'un petit nombre. Et le shir nous dit, je me rappelle ici la parole de cet imam, l'imam de Dunya, de cette vie d'ici-bas, et cette montagne de science, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, où il disait dans le sens approximatif de ses paroles, et comportez-vous d'une bonne manière avec les gens de la sunna, car ils sont certes des étrangers. Le shir de nous dire que Allah tabaraka wa ta'ala a fait de cette communauté une communauté du juste milieu. Il a fait de nous des témoins pour les gens. Il a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un témoin pour les gens. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, et comme cela nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoin pour les gens et que le prophète et que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit témoin pour les gens. Et le shir de nous rappeler après cela la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, ce hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque ce qui se passera le jour du jugement, où il sera amené, où Nuh alayhi salam sera amené devant Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il sera amené avec lui sa communauté. Il sera questionné, alayhi salam, as-tu transmis le message? Et il dira qu'il l'a certes transmis. Puis sa communauté sera questionnée, vous est-il venu un messager pour vous transmettre mon message? Et ils diront qu'il ne nous est venu aucun messager. Personne n'est venu à nous. Ensuite, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala demandera à Nuh alayhi salam, qui est un témoin pour ce que tu dis, pour toi. Eh bien, Nuh alayhi salam dira, Nuh qui est le premier messager envoyé aux gens, il dira, lorsque son Seigneur tabaraka wa ta'ala lui demandera qui est un témoin pour toi, qui est témoin de ce que tu dis, il dira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Le shir de nous dire que cela fait partie des caractéristiques par lesquelles se démarque la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre communauté, le fait que cette dernière sera témoin pour les gens, aussi que Allah Azza wa Jalla a fait de nous une communauté du juste milieu. Le shir de nous dire que ceux qui sont les gens du juste milieu, ce sont les gens de science qui auront connu et appris cette religion. Ceux-là seront réellement les étrangers, comme il a été rappelé dans ce hadith. Comme cela, le shir nous dit, hafidahullah, que Allah Azza wa Jalla a fait de nous la meilleure des communautés surgies pour les gens. Il rappelle ce verset qui était le thème, entre guillemets, parenthèse de ma part, qui était le thème du dernier cours que nous avons fait avec notre cheikh Fouad El-Amri. Et toujours dans cette parenthèse de ma part, on vous met en avant que notre manhaj, le manhaj salafi, c'est un manhaj qui est où il n'y a pas plusieurs paroles, il n'y a pas plusieurs voix. La religion véritable est unique. Il n'y a qu'une seule voie qui mène à cette dernière. Il n'y a pas plusieurs voix et plusieurs paroles dans les bases de notre religion. C'est pour cela que tous les appels que nous faisons tournent autour de l'manhaj, la méthodologie, et toutes les paroles de nos savants se rejoignent et sont identiques dans le fond, même si la forme peut-être peut varier. Il n'y a pas plusieurs chemins donc qui amènent à cette vérité. Et il n'y a pas de choses qui sont cachées dans notre manhaj. Les savants ne nous cachent rien. Les étudiants en sciences ne nous cachent rien. C'est un manhaj qui est clair. Il nous faut la clarté dans ce manhaj. Et celui qui ne sera pas clair, ce sera celui qui n'aura pas suivi ce manhaj de la bonne manière. Et ici, je referme la parenthèse. Et nous continuons dans la traduction du cours, où donc le shir, hafidahullah ta'ala, a évoqué cette parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, vous étiez la meilleure vous êtes la meilleure communauté surgie pour les gens, vous ordonnez le bien et réprouvez le mal, et vous croyez en Allah. Le shir de nous dire que le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, c'est dans cela que se trouve le fait que cette communauté soit la meilleure communauté surgie pour les gens. Et le shir de nous dire que cela, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de croire en Allah, c'est le rôle de ces étrangers, el-ghuraba. Et le shir de nous dire que lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit que nous sommes la meilleure communauté, ce n'est pas ce qui est voulu ici dans cette parole, dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce n'est pas toute la communauté, toute personne qui compose cette communauté. Mais plutôt ce qui est voulu ici, c'est ceux qui sont sur cette voie. Ceux qui auront suivi la voie de Sahaba et de Salaf Salih, Al-Ghuraba, ces étrangers, ceux qui sont détaillés dans, ceux qui sont caractérisés dans ce hadith, le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas chaque personne qui compose cette communauté, mais plutôt ce sont ceux qui s'occupent de cette affaire, cette grande affaire qui est le fait d'ordonner le bien, de réprouver le mal et de croire en Allah Azza wa Jal, la croyance et la foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ce sont bien eux, el-Ghuraba, les étrangers. Et le shir de nous rappeler que le plus grand des biens qui est à ordonner, qui nous incombe et nous est obligatoire d'ordonner, c'est bien at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus grand des mal qu'il nous est obligatoire de mettre en garde contre ce dernier, c'est al-shirk, l'association à, dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shirk de nous rappeler que le ghuraba, ces étrangers, ce sont ceux là même qui appellent à cela, qui appellent dans leur prêche à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se caractérise par cela, al-ghuraba, les étrangers se caractérisent par le fait que leur da'wah, leur prêche est empreinte de cela, l'appel aux gens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est cela même, c'est cette, ou ce prêche même qui était le prêche de nos prophètes, de tous les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la base de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'appel au tawhid, à une cité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une chose que les prophètes faisaient de nuit comme de jour, et comme cela, les descendants des prophètes, ceux qui les ont suivis dans le bien, al-ghuraba, ces étrangers. Et le shir nous dit qu'il nous est obligatoire à nous tous d'appeler au tawhid, d'appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de leur enseigner qu'est-ce que al-tawhid, le fait que c'est le fait que al-tawhid, c'est le fait d'unifier Allah azza wa jalla dans son adoration. Et dans un même temps, il nous est obligatoire de les mettre en garde contre al-shirk, l'association dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, et de leur enseigner ce que veut dire al-shirk, que c'est le fait de donner ou de prétendre que autre qu'Allah détient une chose qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, le shirk nous rappelle ce hadith, cette tradition prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, n'associe rien à Allah, même si tu es découpé ou brûlé. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'association à Allah azza wa jalla, même si on fait de toi ce que l'on fait de toi. Et le shirk de nous dire que la da'wa, cet appel, cette prêche ou ce prêche qui appelle au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas que pour les non-musulmans. C'est aussi quelque chose qui nous convient de faire, qui nous est obligatoire de faire pour les musulmans. Car comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, il rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et le meilleur des rappels, comme nous le dit le shirk, c'est bien at-tawhid, et le fait d'appeler les gens à celui-ci, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de leur enseigner ce que veut dire at-tawhid, l'unicité. Et le shirk nous dit que parmi les plus grandes caractéristiques qui caractérisent al-ghuraba, les étrangers, c'est le fait qu'ils appellent à ce tawhid et qu'ils enseignent aux gens la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela fait partie des plus grandes caractéristiques, des choses qui sont propres, ces caractéristiques qui sont propres à ces derniers, à al-ghuraba. Et que ces derniers les appellent à la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec sagesse et une bonne exhortation. Et cet appel n'est pas fait par le fait de leur faire peur, de leur inspirer la crainte et la peur dans leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala, mais plutôt il doit être fait avec sagesse et une bonne exhortation. Et si tu regardes, comme nous le dit le shir, hafidahullah, si tu regardes ce ou l'état des gens, ce sur quoi sont les gens au jour d'aujourd'hui, tu vois qu'ils n'ont pas compris la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou plutôt qu'ils l'ont compris d'une mauvaise manière, avec une compréhension erronée. Ils pensent que l'islam, c'est simplement le fait d'accomplir sa prière, de donner sa zakat, de faire ses actes apparents. Mais ces derniers ont été insouciants sur une des choses les plus importantes, une des facettes les plus importantes de notre religion, qui est al-wala wal-bara, c'est-à-dire ce qu'on traduit communément par l'alliance et le désaveu. Et comme nous le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, lance la plus solide, lance la plus solide de la foi, c'est al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et le shirk de nous dire que le ghuraba, ces étrangers, sont ceux qui ont compris cela. qui ont compris la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et celui, dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui mécroit en At-Tarut et qui croit en Allah, ceux-là se sont agrippés à l'anse la plus solide qui ne se brisera pas, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Ce sont eux qui se seront accrochés à cette anse la plus solide qui ne se brisera pas. Ce sont eux qui se seront accrochés à l'anse la plus solide de la foi qui est l'alliance et le désaveu. Et ce sont eux qui auront compris cela de la meilleure des manières. Qui auront compris le but de l'envoi des prophètes à chaque communauté. Comme nous le dit Allah, tabaraka wa ta'ala, et adorer Allah et ne lui associer rien. Et cela, l'alliance et le désaveu, c'est le sens de la parole de Tawhid, la ilaha illallah. Il y a une alliance et un désaveu. Une alliance aux gens de l'islam et un désaveu des gens du shirk. Quand nous prononçons cette attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées ou en droit d'être adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, nous nous désavouons de toutes ces divinités en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sont adorées de non-droit. Et nous affirmons que la seule divinité qui a ce droit à l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a donc dans cette parole une alliance et un désaveu. L'alliance des gens de l'association, les associateurs, et le désaveu, l'alliance des gens de l'islam, les adorateurs d'Allah azzawajal pur et sans associé, et le désaveu des gens de l'association, les polythéistes et les mécréants. Le shir de nous dire qu'il y a cette alliance aux gens de la vérité et ce désaveu des gens du faux, dans leur croyance, des gens du faux dans leur méthodologie, comme les gens de l'innovation et autres que eux. Et le shir nous enjoint donc à apprendre notre religion afin de faire la différence entre cela et cela. Car celui qui sera ignorant du tawhid, qui n'aura pas compris, qui n'aura pas étudié, qui ne saura pas ce qu'est at-tawhid véritablement, et bien celui-là tombera dans son opposé qui est shirk, l'association. Ce dernier demandera ou prendra comme intermédiaire entre lui et son Seigneur tabaraka wa ta'ala les prophètes et les pieux, ce qui constitue une grande association, car il n'aura pas appris at-tawhid, il n'aura pas appris ce qu'est shirk, l'association, il ne saura pas faire la différence entre eux, ces deux-là, donc il mélangera celui-ci avec celui-ci. Il prendra des intermédiaires entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi les prophètes et les gens pieux. Celui-là, qui n'aura pas appris ce qu'est at-tawhid et ce qu'est shirk, il ira voir les sorciers et les magiciens et les... et les charlatans, barakallahu fik, et les charlatans. Ce dernier, même s'il prie et il jeûne, tombera dans ses interdits, car il n'aura pas appris ce qu'est la base de sa religion, at-tawhid wa ash-shirk, faire la différence entre at-tawhid, l'unité d'Allah azza wa jalla, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce dernier n'aura pas aimé Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Car l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous nous devons de vouer à ce dernier azza wa jal, c'est le fait de s'empresser à pratiquer at-tawhid, s'empresser à unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans nos adorations. Et le shir de nous dire que al-mahabba, c'est-à-dire l'amour, c'est une base dans notre religion sur laquelle est construite l'ensemble des adorations et des obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh nous dit qu'il y a aussi dans cela l'amour d'Allah azzawajal est aussi l'amour de la science et d'apprendre sa religion tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh nous dit qu'il nous est impératif, qu'il nous est obligatoire de donner des preuves de notre amour envers Allah tabaraka wa ta'ala, que ce ne soit pas une simple prétention, mais plutôt il nous est obligatoire de donner des preuves à ce que nous avancions lorsque nous disons que nous aimons Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'ensemble des gens prétendent cela, ils prétendent qu'ils aiment Allah tabaraka wa ta'ala, donc il nous convient donc de donner des preuves à cela, d'œuvrer dans ce sens. Il nous convient aussi de nous impliquer dans l'étude de la science religieuse afin de savoir ce que Allah Azza wa Jal attend de nous, de savoir ses ordres et ses interdits. Et le Cheikh nous dit que tout cela sera réalisé lorsque nous serons sincères dans notre adoration envers Allah tabaraka wa ta'ala et lorsque nous serons sincères dans nos intentions envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme nous le dit Allah azza wa jalla dans le sens approximatif de ses paroles, dit si, donc notre Seigneur azza wa jalla s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit si vous aimez Allah, suivez-moi donc, ainsi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, dans le sens approximatif de ses paroles azza wa jalla. Donc là, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas une simple prétention, mais plutôt il nous convient donc de donner des preuves à cela. Parmi ces preuves, comme dans ce verset que je viens de citer précédemment, le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une cause que Allah nous aime, comme il l'a promis dans ce verset que nous venons de citer. Il nous est impératif aussi de suivre, afin d'être sincère et d'être véridique dans cette prétention que nous avons d'aimer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, il nous est impératif de suivre le manhaj de nos pieux prédécesseurs, le manhaj salafi. Cette chose est une chose qui est impérative afin d'être véridique dans cette prétention que nous avons d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh nous dit que ce manhaj est un manhaj ilmi. C'est un manhaj de savoir. J'ouvre une parenthèse ici. C'est la même parole, encore une fois, pour vous mettre en évidence cela, que les salafis n'ont qu'une seule parole et que tous ces cours, même s'ils ont des thèmes différents, mais ils se rejoignent sur le fond et les paroles de nos savants sont les mêmes. Walillah alhamd. Il y a vraiment de la clarté dans ce qu'ils disent et de la clarté dans le manhaj qu'ils mettent en avant. Cette parole, que le manhaj salafi, c'est un manhaj ilmi, c'est la même parole qu'a évoqué notre cheikh Nizar ibn Hashim al-Abbas, hafidahullah ta'ala, pour le premier cours qui aurait été dispensé il y a 2 semaines environ. Je referme ici la parenthèse. Et donc notre cheikh a dit que ce manhaj, le manhaj salafi, c'est un manhaj ilmi. Donc, afin d'être sincère et véridique dans le fait que nous suivons ce manhaj, il nous convient donc d'apprendre notre religion. Car c'est bien ça le manhaj des pieux prédécesseurs. Le fait qu'ils avaient cet intérêt pour l'apprentissage de leur religion. Et notre da'wah, notre prêche, c'est un prêche de science ou vers la science. Vers le fait d'apprendre la religion, ce n'est pas comme el-hizbiyat, c'est-à-dire le sectarisme ou les sectes, donc qui appellent à des choses qui ne sont pas comme cela, qui n'appellent jamais à la science et l'apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh nous cite ensuite ce verset, qui est le verset numéro 122 de la sourate numéro 6, Al-An'am, les bestiaux. Wallah tabaraka wa ta'ala dit dans un sens approximatif de ces paroles, Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Le Cheikh nous rappelle ce verset et nous dit que Ibn al-Jawzi, dans son livre Talbis Iblis, a dit que le premier piège de Shaytan, la'natullahi alayhi, est de bloquer l'accès, de bloquer les gens, de bloquer l'accès à la science dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se met entre les gens et leur accès à la religion, car cette science, car cette science est une lumière, comme il a été évoqué dans ce verset que nous venons de citer, car cette science est une lumière, et si ce dernier shaytan, la'natullahi alayhi, éteint cette lumière, qu'est la science, eh bien ce sera facile pour lui de les attirer vers ces ténèbres. Ensuite, le shir de nous rappeler que les œuvres ont deux conditions. Ces deux conditions sont la première, que le shir a cité ici, c'est le fait que chaque œuvre doit être vouée sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala et doit être en conformité avec la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la première condition. Ces deux points constituent la première condition des œuvres. Et le deuxième, et le shir donc de nous rappeler que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne leur a été ordonné, dans le sens approximatif de ses paroles, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah. Et aussi, cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui œuvrera dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, cette œuvre lui sera rejetée. Il verra cette œuvre être rejetée. Et aussi, cette parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et ne rendez pas vos œuvres vaines. Et le shirk de nous dire que ce qui rend les œuvres vaines, c'est shirk, l'association à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le shirk de nous dire aussi que les innovations, le bid'a, ce sont des chemins qui ne sont pas des chemins droits, ce sont des chemins sinueux, ce sont des chemins qui ne mènent pas vers la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, prenez garde aux œuvres innovées, car toute innovation est un égarement, comme il disait dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de nous dire que toutes les innovations dans la religion sont un mal. Il n'y a pas de bonnes innovations dans la religion. Les innovations qui ont attrait à la croyance comme aux adorations. Et le shir nous met en garde contre le fait de ne pas estimer les innovations à leur juste valeur, c'est-à-dire de prendre ces innovations à la légère. Il nous dit ne prends aucune innovation à la légère. Et le shir nous dit que cela est la première condition. Et la deuxième condition des œuvres, c'est le fait d'être ferme et d'être ferme sur celle-ci, de rester sur celle-là jusqu'à ta mort sur ses œuvres. Et comme ce dua qui se trouve dans les premiers versets de la sourate Ali Imran, la famille de Imran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles, qui est un dua, le dua des croyants, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Ceci est la vocation des croyants. Et comme cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire dans ce dua où il invoquait son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il disait: ô toi qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et le shir de nous donner un conseil, nous allons nous arrêter sur cela en vue de l'approche de la prière de l'Asr et nous continuerons. Il reste une petite partie à traduire. Nous continuerons cela avant le prochain cours, donc demain, sur les coups de 15h30, Inch'Allah Ta'ala, avant le prochain cours qui sera donc demain avec notre cher Cheikh Khaled Abou Abdel A'la à 16h. Donc la fin de la traduction sera demain à 15h30. Nous terminons juste ici cette parole du Cheikh où il nous dit de ne pas se faire duper par nos œuvres. L'être humain, lorsqu'il se voit être sur la bonne voie, que Allah Azzawajal lui a accordé le succès de connaître la vérité et de suivre cette vérité, eh bien, il convient de ne pas se faire duper par cela, par ses œuvres, et plutôt de demander à son Seigneur de le raffermir sur cette vérité, sur ce chemin, sur Al-Manhaj Salafi. Et cela n'est, comme nous le dit le Cheikh, possible qu'avec la science dans la religion, le savoir dans cette religion, le fait d'apprendre cette religion. Et cela fait partie des causes par lesquelles Allah, tabaraka wa ta'ala, nous raffermira sur sa religion. Thabbatana Allahu wa iyyakum ala al-islam wa sunnah wa ala al-manhaj al-salafi al-wadih. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين